Jean Mineur, publicité, 79 Champs-Élysées, Paris. Vous, la trompette, mettez une sourdine, hein? Sors tes oreilles du Berry! Bon, on y va? J'ai pris des cassettes pour la route. Mesdames et messieurs, bonsoir. Et meilleurs vœux musicaux 2017, Maxime Echen au micro de Radio Clapas, le 93.5 FM à Montpellier ou sur le www.radioclapas.fr partout ailleurs. Vous écoutez Sortes tes oreilles du béret, l'émission aux mille et une franchouillardises musicales. Et ce soir, je vais vous passer en revue quelques-unes de mes dernières emplettes du micro-sillon déniché par-ci par-là, et la sélection sera uniquement composée de morceaux sortis au début des années 80. Il y aura du tube éphémère oublié, comme de la piste obscure délaissée, du kitsch et de l'hybride témoignant d'une période décomplexée où rock, électronique et funk s'entremêlaient sur des paroles souvent potaches. Certains bien-pensants qualifieront la chose de mauvais goût, qu'importe les critiques, ici on assume tout. On attaque avec Extra Ball, un groupe qui sévit de 78 à 84 et mené par un certain Jean-Robert Jovenet, sorte de Ziggy Stardust à la française. Malgré de bonnes critiques dans les magazines spécialisés, ils ne parvinrent à faire parler d'eux. On balance le track Le Dernier Nabab. Sur l'écran de vos yeux, de nouveau. club. Le morceau qui va suivre, on vous le passe surtout par pur chauvinisme et par goût de l'insolite. Son auteur est né à Bédarieux et il fut un excellent batteur. Il commença dans des groupes de rock français de très bon calibre à la fin des années 60 et au début des années 70. Des formations comme Alan Jack, Civilization et Alice. Et ceci lui permit d'être un accompagnateur demandé des producteurs. Et à ce titre, il joua un peu avec n'importe qui, n'importe quoi, mais aussi avec des sommités comme Chuck Berry, puis roulement de tambour, à force de jouer pour des artistes de variétoche et peut-être par appât du gain, il finit par pousser lui-même la chansonnette. Son principal tube s'intitula « Ça va ». Peut-être que cela vous parle. Le nom de notre Gus, c'est Jean Falissard. Pour son troisième album solo, Ultimatum, notre bédaricien s'envola pour LA, enregistré au Monterey Sound et au studio Regis, aux côtés de requins comme Nathan Watts, fidèle bassiste de Stevie Wonder, ou encore Denis Davis, qui fut batteur pour Roy Ayers et David Bowie. Bref, improbable, l'argent ne semblait pas un problème. On écoute Le Lièvre et la Torture, jeu de mots facile, ambiance dark, voix gueularde, un bide à souhait à la rythmique entêtante. En 1983 sort L'Assassine, le premier album de la chanteuse Elisa Point, aujourd'hui estampillé culte. Sur la pochette, la jeune Point exhibe ses cheveux courts, elle est en costard cravate, l'esthétique des années 80 est en place, ambiguïté des genres, et comme Annie Lennox, les synthétiseurs Dernier Cri flirtent avec sa voix. Aux manettes de ces joujoux de la technologie, on retrouve Roland Boquet, réputé pour avoir composé quelques bandes originales de films, de séries, ainsi que des jingles et autres musiques dites de commande. Niveau interprétation, Elisa pratique à merveille l'art du chuchotement emprunté aux pionnières que sont Hardy, Bardot, Birkin ou encore Moreau, mais elle devance de par son talent d'auteur les Mylène Farmer et autres provocatrices simplettes. Aussi, les polissonneries ne manquent pas, ce qui, d'après la rumeur, estomaqua Gainsbourg en personne. L'artiste est toujours en activité, vous pourrez en savoir davantage en allant sur son site www.elisa.fr. En attendant, on envoie le très sage La fille de James Dean. On va rester dans la même veine, voix féminine provocatrice au timbre enfantin, avec cette fois Amélie Morin, une parisienne qui vécut son enfance au Canada avant de revenir en France dans l'espoir de vivre de ses passions, la musique et la comédie, et elle parvint à atteindre son but, mais tapie dans l'ombre dans le monde très confidentiel des doublages de dessins animés. Son plus grand rôle, pour ainsi dire, fut Candy, l'héroïne de la manga diffusée jadis sur Antenne 2. Plus tard, elle fut la chanteuse du générique de Mimi Cracra. Au début des années 80, un producteur séduit par son timbre si particulier finit tout de même par proposer à Amélie autre chose que des doublages, c'est-à-dire enregistrer son propre disque sous son nom. Ainsi, en 81, sort son premier album, comportant 10 titres écrits par Jean-Yves Lullé, et le succès fut au rendez-vous, principalement grâce au titre « J'étais venu pour dire bonjour », diffusé à foison sur les ondes. Les orchestrations étaient signées Thierry Durbé, et elles sont très originales, avant-gardistes même, osons le terme. Peu d'infos sur ce dernier sur le net, mais sa présence régulière dans les crédits de disques d'artistes des années 80 semble montrer qu'il a été un programmateur de synthétiseurs incontournable. J'étais venu pour dire bonjour. Je vous avais cueilli des fleurs. J'avais le sens de votre humour. J'étais votre petite sœur. Il y a du sang sur mes appels. Vraiment, fallait pas vous entretuer pour moi. Boum, c'est ma langue, me voilà toute seule. Plus personne pour jouer avec moi. J'ai mis mes fleurs sur vos linceuls. Ne me regardez pas comme ça. Il y a du sang sur mes dentelles. Maman, fallait pas vous entretuer pour moi. J'avais mal vu dans vos cervelles. Vous ne valiez pas mieux que les autres. Qu'est-ce qu'ils ont tous, je suis même pas belle. On va encore dire que c'est ma faute. S'il y a du sang sur mes dentelles, vraiment, fallait pas vous entretuer pour moi. J'étais venue pour dire bonjour. Je vous avais cueilli des fleurs. J'étais venue pour dire bonjour. Je vous propose que l'on continue sur notre lancée avec cette fois une fille du coin et encore un tube à demi oublié que Chéri FM ne vous passe plus à tort. La fille en question, c'est Agathe Labernia, juvignacoise aux dernières nouvelles, ex-étudiante aux Beaux-Arts de Paulval et surtout ex-chanteuse de Regret, groupe qui en 83 pondu le tube « Je ne veux pas rentrer chez moi seul » dont les paroles aguicheuses furent écrites au fond d'un taxi new-yorkais en quelques minutes un soir de grande solitude d'après les confidences qu'elle faisait au Midi Libre il y a de cela un an. Grâce à ce morceau ainsi qu'à d'autres, comme Tout le monde s'amuse, elle fut un véritable phénomène classé entre une Bardot et une Lio. Le groupe malheureusement splitta en 85. Celui-ci était composé donc d'Agathe, parolière et chanteuse, de Jacques Librandi au clavier, de Gabriel Lecor à la guitare et de Frédéric Schlesinger qui fut animateur à Radio Alligator et qui poursuivit par la suite sa carrière dans le milieu radiophonique. Il occupe désormais le haut poste de directeur délégué aux antennes et aux programmes et membre du comité exécutif de Radio France, rien que ça. Agathe, quant à elle, après la séparation du groupe, continua en solo un temps, un album et trois singles, on lui doit sous son propre nom, et elle finit par travailler dans l'audiovisuel, notamment chez Canal+. On écoute ce tube « Je ne veux pas rentrer chez moi seul ». Chez moi, je veux pas rentrer chez moi seule. chez moi. Je veux pas rentrer chez moi seule. Je veux pas rentrer, je veux pas rentrer chez moi. Je veux pas rentrer chez moi seule. Garçon qui voudrait m'aider, me payer un verre, me faire tourner juste une heure ou deux pour m'aider à danser. Mais pourquoi tu veux pas, t'as peur ou quoi? Non, je m'en veux pas, non pas sans toi. J'ai lavé mon mini qui est tout mouillé. Je vais être toute seule dans mon lit douillet. Tu veux me faire croire qu'il y a mieux à faire. Ça va, laisse tomber, tu es vraiment trop bête. Maintenant je suis trop fatiguée pour danser. C'est intelligent, j'ai envie de tuer. De ramener le corps d'un garçon joli pour le tenir blotti ce soir dans mon lit. Non, je veux pas. Je veux pas rentrer chez moi. Je veux pas rentrer chez moi seule. Je veux pas rentrer, je veux pas rentrer chez moi. Je veux pas rentrer chez moi seule. Je veux pas rentrer chez moi seule. Je veux pas rentrer chez moi seule. Je veux pas rentrer chez moi seule. Je veux pas rentrer chez moi. Vous écoutez Sortez tes oreilles du béret sur Radio Clapas, le 93.5 FM à Montpellier, l'émission à la mélomanie franchouillarde revendiquée. Si vous venez de débarquer sur nos ondes, ce soir je vous fais partager mes dernières prises vinyles et la sélection est 100% datée du début des années 80, une période que l'on adore ici pour ses fusions improbables et sa décomplexion. Prochaine chanteuse sur notre liste, Lizzie Mercier d'Escloon et Martine-Elisabeth Mercier, le 16 décembre 56 à Paname et décédée le 20 avril 2004 à Saint-Florent en Haute-Corse, et qui reste à jamais une égérie de la New Wave à la française et une pionnière de la World Music, compagne de Michel Esteban avec qui elle fonda le magazine éphémère Rock News avant de partir pour la grosse pomme, où il créa la maison de disques Z Records, dont elle fut une des fers de lance. Ses amis se prénommaient Patti Smith, Richard Hell de Television ou encore Jean-Michel Basquiat du Beau Monde. J'ai mis la main sur son second opus, Mambo Nassau, qui est sorti en 81 et enregistré à Compass Point, les fameux studios d'Iceland Records, chers à Grace Jones et Gainsbourg, et qui étaient établis à Nassau, bien entendu. L'enregistrement de ce disque brasse funk, groove africain et reggae. Le chant de Lizzie ne se limite toujours qu'à des éclats de voix percutantes, une mixture sans égale qui vieillit très bien. On écoute de ce pas le morceau Lady Oka Pele. Just like On poursuit avec d'autres Français exilés à New York. Leur nom, les Modern Guys. Le guitariste Yann Lecker était d'ailleurs sur le morceau que vous venez d'entendre de Lizzie Mercier d'Esclou. Preuve que tout ce petit monde se côtoyait pour la bonne cause. Les Modernes étaient eux signés chez Celluloid, label du Français Jean Caracos, créé à Paris et délocalisé à la Grosse Pomme, et avec qui Z Records collabora à plusieurs reprises. Dans ce groupe, on trouvait, hormis Yann Lecker, Jean-François Cohen à la basse, Philippe Ferrin au sax et Guillaume Israël, chanteur dont les frasques étaient célèbres et le rendirent persona non grata des bains douches. En plus d'avoir marqué de sa patte quelques disques, dont un avec Lio, ce dernier laissa un roman afterpunk brillant, Les Chérubins électriques, avant de nous quitter d'une overdose en 1987. Les Modern Guys étaient des habitués du Rose Bonbon, un club parisien devenu aujourd'hui mythique, qui faisait partie de l'Olympia et qui donnait dans les sous-sols de la célèbre salle qui était située et qui est toujours située aux 6 rues de Caumartin dans le 9e arrondissement. Au final, le groupe n'enregistra qu'un album, Une Nouvelle Vie, mais quel album produit par John Cole, s'il vous plaît, en personne, le membre du Velvet Underground. On balance Electric Sylvie, une sorte de Get Down On It de Kool & The Gang en mode punky. Bye. On passe à présent à une production suisse aux sonorités gainsbourgiennes. D'après les témoignages, ce morceau passait énormément sur Couleur 3, radio suisse bien en avance sur son temps, dont Jean-François Ecker fut directeur. Et ce même Jean-François, eh bien, on le trouve crédité aux paroles de ce maxi sorti sous le nom de Savoir-faire, qui date de 1982. Par la suite, ce monsieur fut chef du département art et société de la TSR avant de rejoindre les rangs de WeFM, puis ceux de Nova en tant que directeur des programmes. Puis il fut directeur du développement des éditions Humanoïdes Associés et enfin directeur des programmes de RFI avant de nous quitter le 7 novembre 2001. Un grand monsieur, hein. Concernant Savoir-faire, on n'en sait guère plus, un certain Pérou est à la musique, mais impossible de savoir qui joue, qui chante, les crédits ne le précisent pas, le mystère plane. Ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment de la bonne came. On écoute Délit mineur. Non. Qu'est-ce que vous faites là, monsieur? Coucou, monsieur. Vous attendez quelqu'un? J'ai le couteau entre mes dents, sous la porte cochère, sûr et vigilant. J'attends le passage des sages petites filles. Aux écolières hier, comme aujourd'hui, je crie. Je suis l'incendie, le goulou grisou. Qui trop embrase mal éteint l'amadou. Que je dis aux petites Iphigénies, les fugées. Il y a des tirages dans ton âge. Non, monsieur. Sans façon, je n'aime pas les bonbons. Non, sans façon, je n'aime pas les bonbons. Monsieur, que vous me proposez à la sortie du lycée, dit-elle, tous les garçons que nous déshabillons, des yeux payants liquides quand nous soufflons la chandelle. Je suis l'incendie, le coup de grisou. Qui trop embrase mal éteint l'amadou. Iphigénie, Iphigé. C'est mes petites taches de rousseur qui te gênent. Je peux pas tricher à ce jeu-là. Sur l'autoroute assise, elle me susurre. Pas de panique religieuse amande. Sister pyrotechnique, avec tes yeux en amande, je flambe. Je suis l'incendie, le coup de grisou. Qui trop embrase mal éteint l'amadou. Que je dis aux petites Iphigénies, les fugées. Et à le tirage dans ton âge, poupée. Elle est rousse et sent le roussi quand je la touche. Je suis son pas de suie de ma bouche. Ou de ma vie, j'ai choisi cette bouche d'incendie. Je suis l'incendie, le boulon grisou. Trop feu et pompier. Trop embrase mal et un adou doudou. Aux petits Iphigénies, les fugés. Et à les tirages dans ton âge poupé. Je suis l'incendie, le coup de grisou. Qui trop embrase mal et toi la doux. Je suis l'incendie, le coup de grisou. Ton embrasse mal est à ma dos. Que je dis à tes Iphigénies, les fugées. Fille de Jean Wiener, auteur de plus de 350 musiques de films pour le cinéma et la télévision, Elisabeth Jeanne-Marie Wiener, tout simplement connue sous le nom d'Elisabeth Wiener, commença sa carrière d'actrice à l'âge de 15 ans. Elle joua dans de nombreux films, comme L'année du bac en 64, puis dans Le sulfureux La prisonnière d'Henri-Georges Clouzot, et Au-delà du bien et du mal de Liliana Cavani. On la voit aussi dans la télévision, dans des téléfilms, des feuilletons, mais c'est dans les années 80 et en tant que chanteuse qu'elle se fit un nom auprès du grand public. Entre 80 et 84, elle publia sous son nom 4 albums et 5 singles chez Virgin France, des disques où elle apparaît en tant qu'auteur, compositrice et interprète, donc pas du genre fille de la balle arriviste, quoi. Et on y décèle son amour pour le jazz, mais aussi pour le funk, la chanson française et la new wave, et une voix yo-yo qui sait être rock, comme balancer du pré-rap et alterner les émotions avec une facilité déconcertante. Bref, cette jeune fille est vraiment surprenante. On écoute sans plus attendre un extrait de son premier album, la chanson Corbillard. Dans un décor, un genre de trompe-l'œil. Alors tu t'aimes, non? Sur le morceau que vous venez d'entendre, à la production était crédité Michel Zacha, un artiste français brièvement connu du grand public dans les années 70, pour avoir repris le rôle que tenait Julien Clerc dans la comédie musicale R. À côté de cela, eh bien, sa production musicale fut plus discrète, mais également plus personnelle. Il explora des courants musicaux proches de David Crosby et de James Taylor. Il fut toujours passionné par le son. Lors d'un concert, on raconte qu'il joua un de ses albums armé de sa seule guitare acoustique et accompagné par un système de bandes préenregistrées, ce qui était à l'époque très novateur et précurseur. À l'aube des années 80, sa carrière connut un second souffle. Il se consacra à la production des artistes parmi lesquels Jean-Louis Murat, Jacques Higelin ou Quinte, et y gagna la réputation de sorcier du son. Si je vous parle de lui, c'est car les deux morceaux qui vont suivre sont aussi marqués du sceau Zacha. Tout de suite, on écoute son travail d'arrangeur pour un certain Jean-Claude Bonneau, un dandy totalement oublié. Pour la dans Sors tes oreilles du béret. On a honte de rien, on va à présent écouter du Armand Altaï parce qu'elle n'est pas que moche, insupportable et trop maquillée comme Ariel Dombal, et parce qu'elle avait son petit truc, un truc à la Nina Hagen, et que faire du chant lyrique sur des sonorités très new wave, c'est quand même couillu comme délire. Michel Zacha, toujours de la partie, on balance le track, balance-toi Lola, seule sous la luna, nue dans les lilas. Téléphone, c'est cool, j'admets, mais j'admets aussi que perso, je préfère Lily Drop, groupe du regretté Olivier Caudron, qui accompagna la naissance du groupe de Jean-Louis Aubert avant de créer sa propre formation. Il s'associa à deux filles, Violaine, la batteuse, et Corinne, bassiste et future Enzo Enzo. Leur premier titre fut Sur ma Bob, sorti en 79, et reste le plus connu du groupe. Louis Bertignac était à la production artistique. Et ce morceau fut un hymne à la jeunesse et à la liberté. Il était pas mal diffusé en radio, mais mal distribué chez les disquaires. Et le 45 tours ne se vendut à pas plus de 35 000 exemplaires. Malheureusement, après plusieurs changements de line-up et seulement deux albums, le groupe cessa d'exister après le printemps de Bourges 83. Lily Drop reste un projet avorté du fait bien de la faible promotion commerciale du groupe et aussi de la toxicomanie d'Olivier Caudron, dit Olive. On écoute le morceau Speed Doux, extrait de leur premier album de 80, qui témoigne parfaitement de la qualité de ce qu'ils ont produit. C'est percutant, très bien interprété, original, du téléphone en plus décalé. J'espère que, en tout cas, il vous donnera envie de vous pencher sur le reste de leur œuvre. Je me prends pour ce que je suis pas. Et l'amour, je ne sais pas. Je renverse des idoles. Et je décèle des tombeaux. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Et qu'est-ce qui m'arrive? Oh non, arrête. Étouffé. Je suis plongé dans ma vieillesse. J'ai tous les traits un peu tirés. Et je déflore ma jeunesse. Non, j'ai pas le temps de respirer. Non, pas la peine d'y compter. J'ai pas le temps de te regarder. Pas la peine d'espérer. Branché nylon frissant. Je fais l'amour en petits morceaux. J'ai envie de sourire, de crier mon désir. Assoiffé de plaisir. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Oh non, arrête. Mais arrête. Mais arrête. Arrête. On arrive sur la fin de cette émission de Sortez Oreilles du Béret, consacrée à mes dernières emplettes en micro-sillon, une sélection 100% hybride du début des années 80. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Facebook de la radio ainsi que de venir visiter notre site, le www.radioclapas.fr. Vous pouvez nous écouter en direct ou où que vous soyez et réécouter à l'infini les podcasts des émissions. On se quitte avec du Yves Simon en mode prophète lover apocalyptique sur des synthétiseurs entêtants, si si. Amnésie sur le lac de Constance, c'est le nom de la chanson. Je vous dis à bientôt dans 15 jours. Ciao ciao, bonne continuation sur Radio Clapas. Je t'ai cherché sur le vent, sur la mer aussi. Je t'ai cherché à Pékin, mais t'étais parti. Quelques milliards de gens savent pas, savent rien. Quelques milliards d'humains sont pas, sont rien. Les microprocesseurs au silicium remplaceront un jour la mémoire des hommes. Je ne t'oublierai jamais. Je ne t'oublierai jamais.